Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, engagé volontaire, se battre pour des idées. Une série documentaire de Pauline Maucor, réalisée par Diffy Mariani. Au départ de cette série, il y a ces jeunes de Lunel ou d'ailleurs partis prendre les armes et souvent persuadés d'aller faire le bien. Il y a des idéaux en bandoulière et la soif de causes à défendre, mais aussi la fièvre et l'absolu qui peuvent mener au pire. Et tous ces hommes partis pour être utiles aux assiégés de Grèce, d'ex-Yougoslavie, d'Espagne ou d'ailleurs, et qui posent la question de la violence et du romantisme. Quitte à se retrouver dans un bain de sang ou devenir dépendant à l'adrénaline et à la poudre comme un vrai junkie. Alors pour commencer, les personnages. Un homme en stress post-traumatique, des engagés qui veulent être utiles, un historien plongé dans l'histoire récente, des hommes intenses l'arme à la main, Bob Denard, un djihadiste repenti, un journaliste devenu artificier, un psychanalyste à la bonne place et un chercheur de terrain. Ensuite, le décor. Des images qui galvanisent, des villes assiégées, des fosses communes, les mauvais livres, l'héroïsme, l'aventure, le syndrome du gilet multipoche, le chaos, la naissance du djihadisme, la mort partout, des explosifs, la haine comme un outil, l'Afghanistan, le groupe islamiste algérien et une répression à double tranchant. Aujourd'hui, troisième épisode, on monte en voiture. Il y avait des corps partout, dans les rues, dans les jardins, dans les maisons. On a découvert 5 fosses communes, remplies à chaque fois de 100 à 200 cadavres, tous des victimes de cette guerre maudite. Vukovar, une ville qui plus que tout autre, fut érigée en symbole de la résistance croate à l'envahisseur serbe. Engagé volontaire, se battre pour des idées. En 87 jours de siège, la ville martyre a perdu, selon les chiffres, entre 5 et 15 000 des siens. L'addiction. La pluie d'obus qui aventuriers, mercenaires et djihadistes en ex-Yougoslavie. Depuis la reddition, on procède la plupart des volontaires français qui décrivent le moment où ils vont prendre la décision de leur engagement parlent en fait des images qu'ils ont vues soit dans les magazines, soit à la télévision. On parle souvent du JT de 20h, de TF1, etc. C'est la force de l'image filmée et aussi de l'image photographiée qui va faire tout le travail, et un certain nombre de volontaires vont à partir de là se dire « il faut que je parte en Yougoslavie ». Et des réseaux vont se former à ce moment-là. Toutes ces horreurs que j'ai vues, rien ne pourra jamais les effacer. J'ai toujours ça dans la tête. Ces reportages dans les magazines, ils montrent surtout la souffrance des civils, en fait. Ils montrent le martyr de certaines villes assiégées, donc Vukovar, Vinkovic, etc. Et ça va motiver un très grand nombre de volontaires à partir en Croatie ou à partir en Bosnie. Je sais pas si ça relève du stress post-traumatique, mais j'ai encore des attitudes. Là, je suis en hypervigilance. Il n'y a pas mon nom sur la boîte aux lettres, il n'y a pas mon nom sur la plaque. J'évite que chez moi soit un trajet fléché. Vous ne bandez pas les yeux ? Non, je vous fais confiance. J'imagine pas que vous soyez de ceux qui me voudraient du mal. Je peux me tromper. Mais non. C'est pour ça que vous ne dites pas où vous habitez, quoi. Voilà, je veux pas que l'adresse apparaisse. Paris-Sarajevo, 3 heures de train. La guerre de Yougoslavie attire, au début des années 90, une flopée de combattants de tous bords politiques et porte en germe l'émergence des modes d'engagement contemporains. L'antagonisme traditionnel entre le bon volontaire et le mauvais mercenaire est brouillé. Et puis, il y a ce franchissement des frontières de l'extrême, jusqu'à la haine criminelle, cette sensation de puissance et cet absolu de l'idéal qui justifie le plus abject. Je crois que c'est Gaston Besson qui m'a dit un jour, mais je n'en suis pas absolument certain, qui m'a dit « il y aura toujours des hommes de 20 ans qui voudront bâtir des royaumes ». Pascal Madonna, historien. Souvent la question qui se pose pour ces jeunes, c'est participer à une grande aventure, mais quelque chose qui en fait qui dépasse la religion, qui dépasse toute l'idéologie politique qu'il peut y avoir derrière. Tous ces hommes qui, à un moment, vont faire quelque chose d'un peu fou pour bâtir quelque chose. Il y aura toujours des gens qui voudront bâtir des royaumes. Et ça, il y a très peu d'aventures humaines qui peuvent le donner. Il y avait des seigneurs de la guerre, il y avait des mines de rubis, il y avait, enfin oui, ça enflammait un peu notre esprit en disant, mon Dieu, mais c'est quand même un territoire perdu, lointain. Il y avait un peu le côté, vous savez, l'homme qui voulait être roi, il y avait un côté comme ça, un peu, on va y aller, on va se tailler un territoire, on va vivre des aventures magnifiques. Bon, voilà, 21 ans, quoi. Au début des années 80, Philippe Lobjoy a une vingtaine d'années. Tout juste diplômé d'une école de journalisme, il part combattre aux côtés du peuple Karen en Birmanie. C'est vrai qu'on avait été aussi nourris avec Robert Capa, Blaise Sandrart, etc. Tous les auteurs un peu, voilà, qui étaient partis loin. Et d'un seul coup, nous, ça nous a enflammés. Ni une ni deux, voilà. On s'est dit, c'est là qu'il faut aller. C'était Bibi Fricotin, va faire du journalisme de guerre. Alors les aventuriers romantiques, c'est un petit peu le clan Gaston Besson, j'ai envie de dire. Ce sont des hommes qui, comme ils le disent souvent, ont lu les mauvais livres. En fait, qu'est-ce que c'est les mauvais livres ? C'est tous ceux qui ont parlé des guerres de décolonisation, de la Seconde Guerre mondiale, tous ceux qui ont mis en valeur la virilité, tout simplement, et le fait de mourir jeune sur un champ de bataille de manière héroïque. Et en fait, c'est un petit réseau qui s'est formé, qui se donne, entre guillemets, les bonnes adresses des conflits à rejoindre. Donc, tous ceux-là, ils se sont retrouvés un petit peu en Yougoslavie, petit à petit, parce qu'on leur a dit que c'était le conflit où il fallait être. À l'étranger, 61 morts et 140 blessés, c'est le tout dernier bilan, malheureusement toujours provisoire, consécutif à la chute d'un obus de très fort calibre ce matin sur le marché central de Sarajevo. Les habitants de Sarajevo encore plus misérables, plus d'eau, plus d'électricité, plus de pain. Son horreur et son indignation devant cet acte odieux. Déjà hier, 8 morts après le tir de 3 obus. Semble avoir frappé, les milices se multiplient, nous dira Hervé Guéquière. La diplomatie des Occidentaux a décidément le souffle de plus en plus court. Et en fait, c'est en juillet, j'entends à la radio qu'il y a une guerre qui a commencé en Slovénie. Je me dis, mais une guerre en Europe, c'est pas possible. Hop, je reprends l'avion. Et en fait, je pars un mois après. Le temps de voir qui fait quoi, comment. Mais là, je suis journaliste. Je pars avec ma caméra et je commence à couvrir le conflit yougoslave dès septembre 91, en fait. Je rencontre 3-4 mois plus tard par un ami commun, Gaston, et lui va s'engager, en fait. Et il va me rappeler en me disant « Mais tu veux pas venir ? C'est super, j'ai monté une brigade. » Et il n'y a que des internationaux, des Anglais, des Français, des Allemands, des Italiens. Et comme je travaille pour Arte à l'époque, je dis « Bah attends, super, on va faire un super documentaire. » Ça, c'est Tomichi, okay, le village. La ligne de front, elle est juste devant Tomichi. Okay. Il y a une grande église ici. Okay. Donc le front est là. Bon, là, il y a les tchétniques. Et donc je me retrouve un an plus tard avec lui, et lui il a commencé, et donc je les croise à Zagreb, et ils ont tous 20-25 ans, enfin c'est que des gamins. Est-ce que c'est difficile de commander une brigade qui est formée d'étrangers ? Oui, c'est très dur. Pas simplement parce qu'ils sont étrangers, mais surtout parce que bon, ils avaient tous des raisons individuelles de venir ici. Donc c'est tous un peu des caractériels, ils sont tous complètement individualistes, égocentriques. Et pour les réunir tous ensemble et faire travailler ensemble, c'est très difficile. Et donc je me retrouve en fait dans la brigade, habillé en militaire, la caméra cachée, parce qu'eux se battent en fait dans le nord de la Bosnie, dans un coin qui s'appelle Brško. Jean-Philippe, jeune paysan de Charente. Il est combattre ici par un mélange d'idéal et d'aventure. Nicolas. 21 ans. Je suis le dernier des romantiques. Je suis venu ici par désespoir amoureux. J'étais amoureux. pour la première fois, enfin vraiment sérieux. Et elle m'aimait pas. Alors j'ai pris le premier train pour Zagreb et je suis venu ici. Au début, j'avais l'intention de mourir. Enfin, ça fait 14 mois et j'ai plus du tout envie de mourir. Quand tu vis pendant plus d'un an avec une arme à la main ou... Putain, c'est... Les sensations que j'ai ici, c'est des trucs que j'aurais jamais en France, que je pourrais jamais avoir en France. Et c'est vrai que tous les matins, les gars partent. Donc ils sont 28, même pas une trentaine. Et ils partent, donc reconnaissance, attaque, et ils font plusieurs reprises de village, dont une que je vais filmer en entier. Il y a des petites routes qui partent, des petits chemins qui partent partout. Ouais. Ce qu'il faut prendre, c'est ce premier groupe de baraques ici. Ouais. Okay. C'est pas du tout comme dans les films, vous voyez, où tout est très, comme un ballet. C'est extrêmement chaotique, personne ne sait où, comment, tout se passe par Tokiwoki. Vous savez pas très bien si la reconnaissance a été bien faite. En fait, ils vont découvrir qu'il y a des chars, mais les chars vont se retirer au dernier moment. Enfin, c'est que des histoires comme ça. Moi, je tire dans toutes les fenêtres que je vois. Comme ça, s'il y a des mecs qui sont là-haut, les mecs vont se barrer. Et c'est ça qui me fascine, en fait, dans la guerre, c'est que c'est toujours une sorte de chaos incroyable, et il faut arriver à s'en sortir à chaque fois. C'est un chaos total. Le mec de Drenava qui arrive. On a pris le pont, ils sont en train de traverser pour nous aider. T'as pris le pont sans moi. Alors, les guerres de Yougoslavie ont effectivement été un tournant dans le phénomène du volontariat et plus largement, on va dire, le phénomène guerrier parallèle. En fait, vous avez le mercenariat, le volontariat, le djihadisme, parce que déjà, toutes ces formes se retrouvent mêlées durant cette guerre. Donc d'un côté, on a les derniers mercenaires, les anciens de l'équipe de Bob Denard, qui se retrouvent mêlés à ce conflit. On a les aventuriers, ceux qui n'ont aucune idéologie politique, ceux qui ont été en Birmanie, parfois plus pour l'aventure que pour réellement le soutien aux Karen, mais aussi ceux qui ont fait de leur vie un champ de bataille, tout simplement, parce qu'ils essayent d'y trouver quelque chose. On a l'idéologie politique, comme durant la guerre civile d'Espagne ou la guerre d'indépendance grecque. On a aussi le djihadisme, malgré tout, et le djihadisme qui est une nouvelle forme de volontariat pour la France, en tout cas. On n'avait jamais connu le djihadisme, en fait. On avait connu les formes de volontariat inspirées de la religion catholique, avec le soutien aux phalanges chrétiennes au Liban, par exemple, mais on n'avait jamais connu le djihadisme. Et c'est à ce moment-là que quelque chose se développe. D'ailleurs, même les sociétés militaires privées, dernier monde dont je n'ai pas parlé, avec plusieurs sociétés militaires privées américaines, comme MPRI. Donc oui, le conflit yougoslave est effectivement un tournant de ce point de vue. C'est un peu la confrontation de ce qu'a été le monde guerrier parallèle pendant toute la phase, on va dire, décolonisation, années 60-70, Bob Denard, tout ça, avec la rencontre d'un autre monde, celui qui est un peu mourant malgré tout, de l'aventurier romantique qui cherche quelque chose d'autre, et enfin d'un nouveau monde qui éclot, qu'on ne connaissait pas vraiment, qui était celui du le monde du djihadisme. Je veux rejoindre Mostar. J'y vais au mois de janvier 93. Je sors de mon service militaire. Ça fait des semaines, en fait, que j'y pense à y aller, parce que j'ai l'esprit de ceux qui vont rejoindre le Front Populaire Espagnol en 36. Je n'imagine pas qu'il n'existe pas l'équivalent de la 27e Brigade Internationale sur place. David Valla est repenti du djihad. Au début des années 90, il part s'engager en Bosnie, puis en Afghanistan dans un camp d'entraînement. Ils subissent une telle violence, notamment les civils, que les unités combattantes bosniaques ne peuvent pas refuser des volontaires combattants. Ça n'est pas dans mon esprit. Donc j'y vais avec l'intention d'intégrer ces unités, et j'ai un contact qui, lui, y retourne, il en revient, et il me dit « bah si tu veux, tu fais partie du voyage ». Il va falloir commencer souvent par acheter des faux papiers. Donc les faux papiers, ça vaut entre 4000 et 7000 francs à l'époque. Et une fois qu'ils avaient leurs faux papiers, on les fourrait à 5 ou 6 dans une voiture et on leur disait « allez à tel hôtel à Split, en Croatie, sur la côte dalmate, qui est le grand centre névralgique où se retrouvent à peu près tous les volontaires. » Et donc, si vous venez à Split pour aider la Bosnie, ben dans ce cas-là, il faut attendre un passeur qui va venir vous chercher tel jour, telle heure à votre hôtel. Surtout, ne bougez pas de la journée. Et ce passeur va arriver, il va vous dire « Ok, j'en prends 4 et je vous emmène jusqu'à la frontière. » Et une fois qu'on aura passé la frontière, on va jusqu'en Bosnie centrale et vous allez à Zenica. Un soir, nous sommes arrêtés à un checkpoint. Au début, tout se passe bien. Et d'un coup, tout bascule. Moi, je suis dans le véhicule, la porte s'ouvre, je me retrouve avec un canon Kalachnikov sur la nuque. On me sort du véhicule, je me retrouve dans un combi Volkswagen militarisé. Je suis là, et il y a un soldat qui se pose à côté de moi et qui me met son Kalachnikov sur l'aine. Et nous faisons un trajet dans les montagnes. Ça roule dans les forêts, en pleine nuit. Et nous arrivons dans un camp. Et quand nous arrivons, le capitaine de la garnison demande aux soudards de service qui sont là de se désigner par binôme pour nous choisir un par un. Et les deux qui me choisissent ont dans le regard la nuit, elle va être frappée à la vodka. Elle va être très longue. Et je comprends que merde, on va tous y passer. Et nous sommes tous convaincus que c'est notre dernière nuit. Mais le capitaine, lorsqu'il récupère nos papiers, tombe sur ma pièce d'identité et c'est moi qui ai l'argent. Et là, il se pose des questions. Il se dit, il n'y a que des gars de nom maghrébin et il y a un David Valla. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est quoi ce gars-là? Et je sens que si je flanche, ou si je leur fais voir que j'ai peur, on va tous y passer. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sais que je ne dois pas baisser le regard et que si je le fais, on est tous morts. Donc je le regarde droit dans les yeux, constamment. Et là, étonnamment, il décide de nous relâcher. Ça s'est joué à un micron près, cette histoire. Et c'est là que moi, je réalise, mais ma vie, elle vaut pas plus que ça. Et j'ai même pas rejoint les unités combattantes. Si encore, je suis équipé et qu'en face, il y a des furieux qui veulent... Je peux me défendre. Ça peut me tenir. Mais de mourir comme ça, ça m'a terrorisé. J'ai passé une nuit blanche. C'est le lendemain que je décide de, faut au moins mourir martyr. Au moins. Sans ça, tu meurs comme le roi des cons, en vérité. Sans avoir jeté une pierre à la figure de ceux que tu comptais combattre. Elle est tellement présente, la mort. Elle peut être là au détour d'un chemin, elle peut être là à un contrôle qui se passe mal, elle peut être là... d'un regard donné à quelqu'un à qui il fallait pas, il prend son flingue et il vous tue. Donc, elle est tellement quotidienne que je me dis, va falloir la maîtriser, cette peur. Et j'ai besoin d'un outil pour ça. C'est ce que m'apporte cette idéologie djihadiste. Continue de parler. Allez, respire doucement, calme-toi. Parce que lorsque vous pensez mourir martyr et que vous irez au paradis, quoi qu'il arrive, vous avez déjà gagné. Vous l'emportez sur votre adversaire, vous gagnez sur terre. Il vous tue, vous gagnez dans l'au-delà. Mais dans tous les cas, vous êtes gagnant. Donc c'est un formidable élan que ça vous donne. La mort n'est plus quelque chose que vous voulez éluder, même si vous sachez qu'elle est là. C'est presque un souhait, c'est un élan que vous allez vers elle. Pourquoi être parti? Ça fait trop longtemps que j'ai de la chance. Et la dernière fois, on était en reconnaissance. C'était le cinquième de la colonne. Tout le monde est passé et moi j'ai tapé sur le fil d'une mine. Et la mine n'a pas explosé, la mine est tombée par terre. C'était il y a 6 jours. Ça aurait pu tomber sur moi. Et des bricoles comme ça, il nous en arrive plusieurs. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de cette doctrine. Elle me porte. En fait, moi j'ai découvert les explosifs quand j'étais en Birmanie. Je l'avais découvert un petit peu dans l'armée française. Mais c'est que vous avez un pouvoir qui est absolument sidérant. Et c'est un pouvoir qui est presque suicidaire, dans le sens, si vous les manipulez mal, ça vous pète à la gueule. Donc il y avait du TNT, du plastique C4, il y avait de la dynamite, enfin il y avait toutes sortes de choses. Et en fait j'ai appris, mais vraiment consciencieusement, à les manipuler. Et c'est vrai que la première fois que j'ai fait péter tout seul, en fait, un pain de plastique, je suis parti tout seul dans la forêt. Et je l'ai coupé en deux, je l'ai collé contre un arbre. On avait des détonateurs électriques à l'époque, donc c'est un petit détonateur avec deux fils électriques. Et vous avez une petite pile carrée, donc je me suis mis loin et caché derrière un arbre. Et vous mettez les deux fils sur les bouts de la pile, et là, c'est Jupiter, hein, directement. C'est la foudre. Hein. Et en fait, c'est assez impressionnant. Parce que c'est une sorte de boom énorme et vous êtes derrière. Et c'est ça qui me fascine, c'est le pouvoir que vous avez avec pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire qu'une petite boule avec un détonateur fait de vous quelqu'un d'ultra-puissant. C'est-à-dire que vous êtes un peu le Zeus qui jette les éclairs. Et ça, j'avoue que ça me fascinait. Vous commencez à ne penser que en termes d'explosifs. Vous voyez une porte, vous dites, tiens, combien de grammes? Tiens, là, où est-ce que je les mettrais? Vous pensez de plus en plus grand, en fait. Donc si vous faites péter une maison, pourquoi pas faire péter un immeuble? Et en fait, il y a une sorte de jeu presque dans votre tête de savoir, ok, ça, où est-ce que je peux mettre les explosifs pour que la destruction soit au maximum? Et vous ne pensez qu'à ça, tellement il y a une puissance dans vos mains. C'est un truc qui peut devenir véritablement, qui peut vous griller la tête. Il faut d'abord valider ce stade où l'autre doit être éradiqué, mais agir avec sang-froid. Si vous ne détestez pas votre adversaire, vous ne pouvez pas le tuer. Vous êtes obligé de le haïr au départ. Donc la haine, il faut la laisser valider les objectifs politiques, mais ensuite la verrouiller et la contrôler complètement pour agir de sang-froid au niveau stratégique. Parce que si vous allez au front avec la haine, si vous allez vous faire éliminer rapidement. Faut être très très... Faut être un animal à sang-froid. Au premier coup de feu, faut être efficace. C'est ça la méthode. En fait, il faut déshumaniser l'autre pour pouvoir lui nuire sans un battement de cœur supplémentaire. Donc à un moment, vous pouvez pas faire l'économie, entre guillemets, de ceux qui mourront sans l'avoir demandé à cause de votre action armée. Et ce sont toujours les civils qui trinquent, au final. C'est toujours la même chose. On m'a pratiquement traité de tueur, d'assassin. Le dialogue concernant la guerre est quasiment impossible. À part avec des gens qui ont fait la guerre. Tu rentres dans un village cramé, là, un village abandonné, calade de chiens, calade de poules, les odeurs de la guerre. C'est des odeurs particulières. Et les gens, ça ignore. Ça les intéresse pas, en fait. Ils savent pas, ou ils ont pas envie de savoir, ou pas envie de comprendre. J'ai la rage d'être revenu. Je m'en veux énormément. Il y a... Bon, je vais essayer de pas écraser une larmichette. Mais il y a un merdeux qui s'appelle El Medine. Il est réfugié dans un camp à Split. Et quand je lui annonce qu'on rentre en France, je vois dans ses yeux de non, en fait, toi aussi, tu nous lâches. Et ça, je m'en voudrais à un moment. J'en fais encore des cauchemars, hein, sans déconner. C'est... Et également, la rage de ne pas avoir pu combattre. C'est un volcan qui boue à l'intérieur, mais personne ne perçoit rien. Ça monte en sauce, mais un truc... Je suis remonté à cran. Tous les jours, je m'en veux d'être là, alors que je sais que la guerre fait rage et que les civils se font prendre pour cible tous les jours. Et je suis là, impuissant. Donc je suis vraiment dans un état... Il y a une fusion qui se passe là, c'est entre la matière et l'énergie, il n'y a plus d'équilibre. Ça bouillonne constamment. J'en rêve la nuit. Je peux parler avec quelqu'un et j'ai le son du métal qui sonne dans la tête. Faut que j'y retourne. Je suis en mode catapulte. J'attends juste le signal et boum, je pars direct. En Alors déjà, première chose, comment se passe le retour en France ? Pas beaucoup de problèmes de la part des services de l'État, ni français, ni de l'État qu'ils ont quitté. Même si on sait ce qu'ils ont fait. Alors le retour après, en termes psychologiques, en termes de reprise de la vie, on a ceux qui ont réussi à reprendre un petit peu le cours de leur existence comme si de rien n'était. Et puis il y en a d'autres qui ont été fatalement marqués par ça. Il y a eu X tentatives de suicide. On rentre un petit peu plus chaque jour dans l'horreur. Et après, il y a encore l'autre stade. Alors, c'est ceux, en fait, qui ramènent la guerre avec eux. C'est-à-dire, la guerre n'est pas finie. Elle la ramène avec eux parce que la guerre, c'est pas la Yougoslavie. C'est plus vaste. C'est un phénomène transnational. Je pars en zone tribale en Afghanistan, dans le camp de Khalden. Entraînement militaire, religieux et doctrine. Il y a les trois volets. Et sur place en Afghanistan, les Algériens m'ont pris pour l'un d'eux, parce que je parle un arabe dialectal algérien, donc ils me prennent pour un Algérien. Mes compétences les intéressent, le gars est réglo, il n'a pas peur, il est formé, donc je suis tout de suite très intéressant dans cette mouvance. C'est comme ça que j'intègre les groupes islamistes algériens. Et là, je sens qu'il y a un truc... Très concrètement, je vois que ce qui se met en place ne ressemble pas à un réseau d'acheminement d'armes. Il y a quelque chose qui m'échappe et je déteste m'engager dans quelque chose si je ne connais pas l'objectif. Il faut que j'ai pu valider l'objectif. Dès fin juin, je coupe tous mes contacts avec les GIA et eux passeront à l'action terroriste à partir du 13 juillet en assassinant l'imam Sahraoui et le premier attentat du métro Saint-Michel le 25 juillet. 95. C'est ça. Donc, à quelques semaines... J'aurais pu faire partie de ce réseau, mais je m'arrête le 29 quand je rentre de Turquie pour comprendre que ce qui se met en place m'échappe et ça m'intéresse plus. Fais demi-tour, allez. Il nous dit de partir, bordel. Roule. J'ai été arrêté le 31 août 1995 pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, infraction sur la législation sur les armes et les munitions, et j'écoperai d'une première peine de 7 ans qui passera à 6 ans lorsque j'interjette appel et je serai libéré au mois de décembre 1999. Le Moyen-Orient, c'est une série de guerres, et celle qui a permis de construire la première école de djihadisme du XXe siècle, et aujourd'hui du XXIe siècle, ça s'est passé en Afghanistan. Fethi Ben Slama, psychanalyste. C'est là que ça s'est passé. Et qu'est-ce que c'est l'Afghanistan ? L'Afghanistan, c'est le fait que les puissances occidentales ont décidé, dans le contexte de la guerre froide, de sortir l'URSS d'Afghanistan et de lui infliger une défaite. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les États-Unis, l'Arabie Saoudite, la France, l'Angleterre, etc. Ils ont contribué tous à ça. Ils ont armé les fondamentalistes. Ils ont armé les fondamentalistes musulmans. Ils les ont envoyés en Afghanistan. Ils leur ont donné des armes. Ils ont afflué de partout. Et elle a réussi. Les fondamentalistes musulmans ont infligé une défaite qui a même été une des raisons de l'effondrement de l'Empire URSS. Et donc, à la suite de cela, les djihadistes, on leur a dit maintenant, bon, vous avez terminé, ciao, bye bye, allez rentrer chez vous. Quoi ? Vous dites à quelqu'un qui vient de remporter une victoire, qui a touché la gloire, qui a vu ses amis mourir, qui a... Bon, vous lui dites, rentrez chez vous et maintenant vivez une vie... tranquille, de père de famille, et ben ces gens-là ont refusé. Et ils ont pensé qu'ils pouvaient aller plus loin. Et donc, ils ont voulu continuer le combat. Et on les retrouve ensuite un peu partout, dans tous les conflits qui se sont déclarés par la suite un peu partout. On les retrouve en Bosnie, on les retrouve en Algérie, dans la guerre civile. On les a retrouvés partout. Et donc, ça a formé une jeunesse qui est en plus à l'abandon, qui a été imprégné par l'état de guerre. par le fait que la vie humaine n'a pas de valeur. Et vraiment dire que tout à coup les gens se sont réveillés, ils ont dit qu'on va faire du djihad, tout ça, non. Donc ce processus dans lequel la responsabilité occidentale est énorme. Ils ont armé les fondamentalismes. Donc le djihad, c'est une construction islamo-occidentale. L'Occident a une responsabilité, l'Occident, je dis particulièrement les États-Unis, a une responsabilité très grande dans ce qui se passe aujourd'hui. C'est un retour de flamme, donc, le terrorisme qu'on a. Un retour de flamme qui a touché une partie de la jeunesse qui a voulu se venger. Quel est le sort qui est fait à ceux qui veulent rentrer ? Laurent Bonelli, sociologue. Un exemple, je pense, assez intéressant de cela, c'est le premier conflit afghan, dans lequel vous avez toute une série de volontaires, notamment du monde arabe, qui sont allés se battre aux côtés des Afghans contre les soviétiques à l'époque. Alors, égyptiens, algériens, tunisiens, marocains ont afflué dans les rangs des moudjahidines afghans de l'époque. Et que s'est-il passé pour ces gens dès lors qu'ils ont voulu rentrer dans leur pays ? Ben, c'est les régimes, qui étaient des régimes assez durs, ont pris des mesures extrêmement drastiques contre eux, des condamnations très dures, y compris des condamnations à mort, etc. Ce qui veut dire qu'un certain nombre d'entre eux n'ont pas pu rentrer. Et ces gens qui n'ont pas pu rentrer, qu'ont-ils fait ? Ben, tout simplement, ils sont passés dans un autre conflit, puis dans un autre conflit, puis dans un autre conflit. Ils sont devenus, si on peut dire, des sortes de professionnels, je dirais, de l'engagement étranger. Notamment cette brigade arabe, elle avait un chef, qui s'appelait Ben Laden, par exemple. Ben Laden, c'est typiquement quelqu'un qui étaient à la tête de gens qui sont devenus des parias dans leur propre pays et qui donc se sont professionnalisés dans les conflits. Bosnie, Somalie, etc. Et donc, se sont déportés d'un terrain de conflit vers ce qu'ils ont appelé le djihad global, c'est-à-dire pouvoir porter les attentats un peu partout, ce qui a culminé évidemment avec les attentats du 11 septembre. À quel moment, en fait, on s'est principalement intéressé à ce qui se passe en Irak et en Syrie ? Parce que le volontariat étranger en Irak, c'est, j'ai pas envie de dire, depuis que les États-Unis ont envahi l'Irak. C'est très ancien. Pourquoi on s'est intéressé spécialement au volontariat des Français, non pas spécialement d'ailleurs en Irak et en Syrie, mais à un organisme en particulier, l'État islamique. C'est pas n'importe quoi. C'est les volontaires français en Bosnie étaient volontaires auprès de la République de Bosnie-Herzégovine. Là, il y a ce sentiment aussi médiatique, effectivement, mais qui a été créé autour de cette question, en fait, de jeunes qui rejoignent l'État islamique. Et s'ils rejoignent l'État islamique, par association d'idées, comme l'État islamique frappe la France par des attentats, c'est qu'ils trahissent la France. Donc, la question se pose, en fait, pour beaucoup de gens, comment on peut être français et volontaire auprès d'un organisme qui est actuellement considéré comme l'ennemi de la France ? On vient de mener avec Fabien Carrier une enquête précisément sur des jeunes qui sont partis en Syrie ou qui ont voulu le faire. Et on se rend compte que des gens peuvent, pour des raisons ici, se projeter finalement dans une utopie là-bas. C'est-à-dire pour toute une série de faits qui ont à voir avec leur vie ici et avec leur trajectoire personnelle ici, ils peuvent voir dans l'utopie syrienne une manière finalement de résoudre leurs problèmes ici. Quand l'État islamique est apparu comme un groupe qui surgissait et qui attirait, en fait, comment dire, l'attention de la plupart des grosses puissances, et qu'il résistait contre ces grosses puissances, qui perturbaient vraiment le monde, ça devait être assez séduisant de vouloir rejoindre une organisation qui fait résistance, quoi, qui, en tout cas, qui perturbe le monde. Romain Huette, chercheur en sciences de la communication. Alors, elle est très sociologique, elle est très basique, elle est très élémentaire, hein, de dire que, à force d'avoir été acculé, d'avoir été stigmatisé, à force d'avoir vécu concrètement l'exclusion sociale, le racisme, l'islamophobie, etc., etc., il faut pas s'étonner qu'à un moment donné, les uns et les autres cherchent des mondes étroits pour compenser l'existence qu'ils ont eue. Et moi, je pense pas que les internationaux qui vont s'engager pour l'État islamique ne prennent les armes qu'au nom d'une religion. Je pense qu'ils prennent les armes au nom aussi d'un conflit politique, au nom d'une forme de revanche vis-à-vis de l'arrogance occidentale, de l'humiliation que leur pays d'origine a pu infliger sur un certain nombre d'autres pays, voire sur eux-mêmes. Moi, je suis pas sûr que ce soit simplement des fanatiques religieux. C'est aussi parce qu'on sent que de nouveau, en fait, on peut poser des actes dans le réel et qu'on a une certaine puissance, quoi. 15 ans seulement et parti faire le djihad. Beaucoup d'inquiétudes en ce moment sur ces adolescents qui bouclent leurs valises direction la Syrie. Deux frères, deux jeunes visages, barbe, keffiyeh et kalachnikov à la main. Les deux jeunes filles s'apprêtaient à embarquer en début d'après-midi sur un vol de la Turquie. Cette mère impuissante face à la radicalisation de son fils. Plusieurs mineurs ont été stoppés ces derniers mois, alors ils tentaient de se rendre en Syrie. Ils ont été approchés via les réseaux sociaux, Facebook. Encore deux adolescentes, 16 et 17 ans, interceptées aux frontières, elles voulaient se rendre en Syrie. Ça s'est passé très vite et sur un très peu de temps. Donc il y a eu un catalyseur. Une des surprises de l'enquête que nous avons menée sur ces questions-là, c'était finalement de se rendre compte que les jeunes qui partent, en tout cas les jeunes adolescents, pas encore majeurs, ne sont pas du tout sur des profils notamment type délinquance, avec des jeunes très connus par les services de police ou des familles très déstructurées. Fabien Carlier, sociologue. Au contraire, on retrouve beaucoup de familles qui sont très stables socialement, plutôt issues des catégories populaires, mais plutôt les fractions stables et supérieures des classes populaires. Et des parents issus d'une immigration maghrébine, mais qui, en général, veulent que leurs enfants réussissent et projettent beaucoup sur leurs enfants dans une logique d'ascension sociale via l'école. Et qui, très clairement, se donnent les moyens pour que les enfants le fassent. Alors ça va sur des choses, on sacrifie une salle de vie pour en faire un lieu d'études, fermer ce genre de choses. Et voilà, donc des enfants qui sont portés par ce projet-là, qui intériorisent des dispositions scolaires assez fortes, qui sont souvent des bons élèves, ou en tout cas des élèves qui sont conformes à la norme scolaire, et qui, à un moment donné, alors ça se passe souvent entre la troisième et la classe de seconde, vont commencer à connaître des difficultés, un rapport plus contrarié à l'école. Souvent notamment sur le passage au lycée, on passe d'un collège de ZEB en fait à un lycée de centre-ville, et les choses deviennent plus compliquées, les notes diminuent, et les jeunes en question passent d'un statut de bons élèves à un statut d'élève médiocre, voire mauvais élève. Ils ont des difficultés à s'intégrer dans des lycées beaucoup plus hétérogènes socialement. Et donc finalement, d'un seul coup, en très peu de temps, c'est tout leur univers, tout leur espace de sens qui s'effondre. Ils se confrontent à l'incompréhension des parents en général, qui disent voilà, on fait tout ce qu'on peut pour que tu réussisses et toi tu n'y arrives pas, comment ça se fait, comment tu peux l'expliquer? Et voilà, on a vraiment ce profil, on l'a retrouvé de manière assez systématique, c'est pas quelque chose, on n'est pas en train de grossir les traits, c'est vraiment quelque chose de très systématique qu'on a retrouvé chez ces jeunes-là. Et donc ils vont se projeter vers un projet, un nouveau projet qui va se remplacer en fait le projet parental. À partir de là, effectivement, l'utopie syrienne est une façon de résoudre ces problèmes-là, en se déplaçant et en réinvestissant une nouvelle cause, un nouveau projet important, notamment typiquement l'État islamique en l'occurrence. L'État islamique, c'est pas juste un projet de combat, c'est aussi la construction d'un État en général qui était porté. Donc pour tout un tas de mineurs, qui n'ont pas, en l'occurrence ceux-ci, n'ont pas forcément le profil de combattant, des capacités à prendre les armes tout simplement, ils vont se projeter vers la Syrie pour aller faire des études coraniques, devenir des intellectuels en fait, tout simplement par exemple. Ce qui aussi était une surprise de ce travail-là. À une autre époque, ils auraient pu très largement utiliser un autre type d'universel. Voilà, ils ont des dispositions et des trajectoires qui leur rendent plus facile de mobiliser un universel religieux. Dans les années 70, c'est des gens qui auraient pu mobiliser un universel maoïste, par exemple. Il y a un truc, par exemple, très intéressant, vous avez un bouquin de Muel Dreyfus sur les années 60. Vous avez à un moment donné des gens qui ont des profils à peu près similaires, qui viennent du haut des milieux populaires, qui sont en ascension sociale et scolaire, qui à un moment donné se voient fermer la rentabilité des diplômes, c'est un phénomène assez général. Et ça va produire plusieurs choses. Ça va produire des générations de militants, maoïstes notamment, qui vont politiser cette cause-là. Et ils vont inventer une position qui est celle des éducateurs. Les éducateurs qui vont s'inventer dans les années 70, c'est des gens qui ont à peu près tous la même position. Là, on a des gamins qui sont dans un autre contexte, qui n'est plus du tout le même. C'est-à-dire que l'humeur anti-institutionnelle, c'est-à-dire anti-école et anti-famille qu'avaient les éducateurs dans les années 70, eux, ils ont la même, sauf qu'elles ne se transcendent pas de la même manière. La religion, ça a l'avantage de rassembler à la fois la question politique et la question psychanalytique, vous rassemblez les deux dans la même chose, et comment vous l'inventez? C'est très compliqué d'inventer des positions ici, construire un champ religieux, il existe déjà, il y a déjà toute une série de gens, c'est déjà occupé par tout un tas de gens, donc l'utopie syrienne, c'est là-bas ça va être possible. Terrorisme, comment freiner les départs de candidats au djihad? 6 jeunes gens suspectés de s'être rendus récemment en Syrie. Ils seraient 200 sur le point de partir, selon le ministère de l'Intérieur. Une douzaine de Strasbourgeois étaient partis faire le djihad fin 2013. L'information est ouverte pour une disparition inquiétante d'après les premiers éléments. Les Français, parfois, partent en Syrie. Dans la Région parisienne, Lyon, Toulouse et Strasbourg sont particulièrement surveillés. Imaginez bien donc des mineurs qui n'ont pas jamais connu jusque-là de problème avec la police, pas de problème de délinquance, qui passent directement par la casse-prison en fait. Sans avoir eu d'expérience jusque-là, c'est souvent des choses qui sont très compliquées, très difficiles. On a des, notamment pas mal de mentions de professionnels de la justice, notamment la protection judiciaire de la jeunesse, qui sont très inquiets de voir ces jeunes absolument pas socialisés au monde de la délinquance arriver dans des espaces comme par exemple le Rémy Rogis. Et ce que l'on peut constater quand même assez systématiquement, c'est que pour un certain nombre d'entre eux, pour pouvoir survivre dans cet espace qui est très difficile, qui est très compliqué, finalement ils vont très souvent adopter, surjouer les étiquette du terroriste, en fait, tout simplement. Parce que c'est quelque chose qui peut faire peur, ou au contraire fasciner, mais qui, dans tous les cas, leur permet d'être tranquille, d'éviter les relations conflictuelles avec les autres détenus, et de se maintenir finalement dans les rapports de force, dans des positions qui sont valorisantes pour eux, en définitive. Le système pénitentiaire et le jeu hein, qui, pour ces mineurs, finalement, les amène à s'approprier, finalement, cette étiquette-là. C'est quelque chose qui est, ça qui est vraiment classique dans la sociologie de la violence politique. C'est-à-dire que on n'a jamais quelque chose qui s'appellerait une radicalisation à sens unique. C'est toujours une dynamique avec action, réaction par rapport aux institutions. La question de la radicalisation, c'est toujours une question d'escalade. On l'a bien vu sur les mécanismes qui poussent un certain nombre de jeunes soit à s'engager en Syrie, soit à vouloir commettre des attentats. C'est toujours des dynamiques de va-et-vient avec des vexations institutionnelles, des rapports conflictuels avec des institutions, qui peuvent être l'école, qui peuvent être la police, qui peuvent être la justice. Et c'est toujours dans ces dynamiques-là que se fabriquent finalement les passages à l'acte. Bon. Donc, il ne faut pas penser que les subjectivités des individus et leur identité, elles se fabriqueraient seules dans leur coin. Elles se fabriquent en permanence en interaction avec les institutions. Les institutions, ça structure les identités, ça structure les subjectivités. Apposer à quelqu'un une étiquette terroriste, ça a des effets. Ça a des effets. C'est très compliqué, j'irais, d'en sortir. Des gamins sont convoqués à l'école, les parents sont convoqués par les services de renseignement. Dans un quartier, les quartiers, c'est des villages, donc ça se sait. Et donc on appose des étiquettes. Lui, c'est un terroriste, donc on a des gamins qui doivent changer d'établissement scolaire. Tout ce genre de choses. Il y a toute une série de vies, aujourd'hui, sont en train d'être brisées, tout simplement, d'être mises en difficulté. On est en train de créer des identités, des subjectivités, des formes d'opposition extraordinairement fortes. Toutes ces choses-là ne sont pas inodores. Elles ont des effets sociaux. Jeune fille réservée, au visage encore poupon. Elle a dit à ses parents qu'elle partait à l'école. Elle et son mari, tous les deux athées, cadre supérieur. Lui avec une kalachnikov à la main. Un véritable effet d'entraînement depuis le début du conflit syrien. Vous pouvez réécouter cette enquête très riche, mais aussi découvrir toutes les photos et tous les documents. Rumeurs circulaient dans le quartier. Elle était très fragile, nous explique son frère. Son signalement avait été diffusé par la gendarmerie. L'opération avait commencé ce matin, dès 6 heures. Une plateforme de signalement qui a permis d'éviter au moins 70 départs de jeunes candidats au djihad. Je lui ai cité un agent du renseignement français qui me disait, c'est récemment, et j'ai bien aimé sa phrase, il dit, la radicalisation, il y aura bientôt plus de gens qui en vivent que de radicaux. Ce type de catégorie de radicalisation, c'est une catégorie qui est bien plus un écran pour penser ce qui se passe qu'un concept utile pour comprendre ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, toute une série de comportements sont qualifiés de radicaux. Évidemment, les médias jouent un rôle tout à fait important là-dedans. Mais dans ce phénomène-là, il faut essayer de revenir, vous voyez, sur des cas, sur des dossiers, travailler sur qu'est-ce qu'il y a derrière ça, au fond. Et c'est là qu'il faut prendre le temps. Et ça, c'est pas un temps médiatique, ça, c'est pas un temps politique. Vous avez des milliers de raisons de partir sur des conflits étrangers. Il faudrait être capable, finalement, de sculpter sur mesure, en fonction, effectivement, des modes d'engagement des uns et des autres, des sorties possibles de cela. Aujourd'hui, quel est, au fond, ce qui est la réponse, qui est à la fois une réponse politique et qui se décline dans des réponses pénales? C'est, au fond, le principe de précaution. C'est enfermant, très bien, pas de problème à enfermer, mais qu'est-ce qu'on fait après? Je crois qu'il faut restituer les dynamiques de l'engagement. Quand on disait tout à l'heure qu'on a un certain nombre de gens qui reviennent déçus, que doivent faire les institutions? Accompagner cette déception en disant « vous voyez que vous aviez tort » ou au contraire, ce qui est la logique actuelle, l'incarcération. Donc vous imaginez l'incarcération, la violence de la prison, elle est terrible parce que c'est une violence bien sûr des détenus, mais c'est aussi une violence institutionnelle terrible. Ça règle toute votre existence. Donc à un moment donné, je dirais, on prend tout simplement le risque que les institutions, elles-mêmes, reconforte en retour ces jeunes qui étaient déçus dans leur idée de départ, qu'ils étaient bien des parias, qu'on les a bien maltraités parce qu'ils étaient musulmans, etc. etc. C'est-à-dire qu'on prend le risque que la réponse institutionnelle vienne défaire ce que le conflit avait pu casser comme illusion, ou vienne refabriquer ce que le conflit avait défait comme illusion. Ça n'est pas une règle générale, mais je vais vous parler de ce qui m'a concerné en termes de déradicalisation. Parce que j'aime pas trop ce terme. On ne déradicalise pas quelqu'un. C'est à la personne elle-même de réaliser où elle en est dans son univers mental et d'en revenir. Donc, ce qui se passe concrètement, c'est que je suis sûr, du fait de ma formation en Afghanistan, que si les autorités françaises connaissent mon parcours, j'aurai droit à la torture et à une exécution sommaire. Ça n'arrive pas. Je n'ai pas été torturé. Je n'ai pas été maltraité, on m'a considéré avec humanité. Si je voulais garder le silence, je pouvais le faire. L'enquête a été instruite à charge et à décharge. J'ai eu droit à un avocat, Maître Berruter, commis d'office, qui s'est battu bec et ongle pour que tous les aspects du droit apparaissent dans les moindres rouages de la procédure. Et là, c'est une première faille dans mes convictions, parce que je me dis, mes anciens amis, avec qui j'ai refusé de m'en prendre à des civils, m'ont condamné à mort. Et ceux que je considérais être mes adversaires me traitent humainement. Donc il y a un premier... Oh, qu'est-ce qui... Est-ce que je ne me suis pas trompé? Et je commence à refaire ma lecture du monde. Et il y a également un troisième point qui est celui de ma proximité avec des détenus qui ne sont pas du tout radicaux. Ce sont des détenus de droit commun. Et... je sais que comparaison n'est pas raison, mais si on pense que la doctrine est un virus, ben, la non-doctrine en est un également. C'est-à-dire, ça agit dans les deux sens. Si j'avais été dans une unité dédiée, avec uniquement des radicaux, ça n'aurait pas fonctionné. Parce que la logique de groupe aurait voulu que le plus radical soit celui qui entraîne le groupe. Et que si vous êtes perçu comme le moins radical, vous êtes le maillon faible qui va avoir des problèmes. Donc vous êtes obligé de vous inscrire dans cette mouvance de radicalité. Quand vous êtes en groupe. En revanche, quand vous êtes avec d'autres détenus qui, eux, ne le sont pas, ils vous influencent tout autant que vous pouvez les influencer. Ça marche dans les deux sens. Ce soir, enquête sur un bastion du djihadisme, c'est en France. 6 personnes sont interpellées. Le tissu associatif se mobilise depuis plusieurs mois. C'est un sujet très sensible qui inquiète particulièrement les autorités françaises et qui laisse des familles désemparées. Et des moyens de lutter contre le phénomène. Aller en Syrie, c'est finalement d'une simplicité déconcertante. Et la France, on le sait, est l'un des pays européens les plus touchés. Le ministère qui demande aux familles de signaler tous leurs adolescents à risque. Est-il si difficile d'en parler? La guerre, nous, eux, nous contre eux, tous ces discours, si vous voulez, sont des discours qui ne peuvent que produire des effets extrêmement négatifs. Ça a des effets de polarisation de la société. En réalité, la violence politique, c'est pas ça. L'essentiel de la violence politique, c'est pas une relation d'affrontement entre deux groupes. Il y a un troisième groupe, qui est en tierce partie, qui est le public, tout simplement, qui est souvent le spectateur, notamment via les médias, de l'affrontement entre les deux premiers. Or, on se rend compte que, historiquement, les conflits qui ont le moins duré, qui ont eu la moindre ampleur, c'est ceux où c'est l'indifférence de la majorité qui a permis que les conflits ne prennent pas trop d'acuité. Si l'État arrive à mobiliser derrière lui une grande partie de la population, ça renforce les groupes clandestins parce que ça va créer de la discrimination, ça va créer de la stigmatisation, ça va créer tout ça. Imaginez que demain, l'État français continue à mobiliser très largement, ça va produire de l'islamophobie, ça va produire des agressions anti-musulmanes, ça va produire tout ça. Et qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça va renforcer les rangs des groupes clandestins parce que des gens auront subi des discriminations réelles qui vont leur dire, en réalité, ça polarise. Et ça, l'histoire le montre très bien. L'Irlande du Nord, c'est le parfait exemple, si vous voulez, de comment l'engagement d'une partie de la population aux côtés de l'État britannique a produit des centaines de militants dans les rangs des organisations nationalistes irlandaises. Bon, par exemple, premier élément. Si à l'inverse, vous arrivez à mobiliser une grande partie de la population auprès des groupes clandestins, ben c'est pareil, ça produit de la polarisation et ça dure. C'est le conflit au Pays Basque, etc. Ce qui fait que les conflits ne prennent pas beaucoup d'ampleur en matière de violence politique, c'est l'indifférence. Et l'indifférence, ça suppose d'arrêter avec cette surenchère systématique. Le code pénal français a été les lois antiterroristes. On a plus de 12 lois antiterroristes qui ont été prises depuis 1986. Il faut arrêter, je dirais à un moment donné. Il faut arrêter de croire que les autorités françaises, les autorités d'enquête, la justice, les services de renseignement n'ont pas les moyens de faire leur travail. Ils ont plus de moyens que l'intégralité des autres services, des forces de l'ordre et des autres services répressifs. Il y a là-dessus, je pense que c'est très important, une démagogie punitive, c'est-à-dire dire qu'on fait des choses et utiliser des postures martiales à chaque fois. Et ça, ça n'a aucun effet positif sur précisément apaiser les tensions, apaiser les conflits, etc. Donc la désescalade, c'est aussi ça. Il faut comprendre que le terrorisme islamiste, le djihadisme, met le focus sur nos faiblesses. Il pose de bonnes questions. Ce sont de mauvaises réponses qu'apportent ces idéologies, mais elles posent de vraies questions à nos sociétés. À un moment, quand vous êtes dans un quartier, l'une des dernières choses, parce que l'être humain a besoin de ça, qui reste pure et positive, peut être la religion. Vous avez besoin que quelque chose ait échappé à toute cette merde. La drogue, la violence, le business, le rapport de force, plus d'État, plus de justice. Il faut qu'il y ait un truc qui ait été préservé. C'est souvent dans l'esprit des jeunes, la religion, qu'ils ne connaissent pas. Pour peu qu'ils aient un sentiment d'exclusion et de désespérance, et qu'on leur laisse accès à ce discours-là de radicalité, de rejet de l'autre, comme celui du wahhabisme et du salafisme, ça match. On leur propose les moyens d'une rébellion. Le djihadisme, en termes d'idéologie radicale, a remplacé l'engagement de l'ultra-gauche qui était celui des jeunes de quartier des années 70-80. La nature a horreur du vide, et quand une idéologie qui porte un espoir ou propose un changement de la société n'existe plus, elle est remplacée par une autre. La meilleure arme en termes de prévention, c'est d'éviter que des jeunes ne soient convaincus que l'islam politique est la solution. Quand on leur fait comprendre que ça ne va pas servir tes intérêts de classe, parce qu'on en est toujours là en fait, c'est une lutte des classes, parce que depuis 83, est-ce que l'accès aux écoles prestigieuses des quartiers populaires a progressé ? Non. Est-ce que la représentation des jeunes des quartiers populaires a augmenté dans les conseils municipaux, dans les conseils de région, à l'Assemblée nationale, à la télévision? Non. Est-ce qu'on a des politiques volontaires d'intervention de l'État pour pallier le troisième volet du triptyque républicain? C'est la fraternité. Ça ne peut passer que par les moyens donnés par l'État d'essayer de rattraper des injustices sociales de départ. Donc l'école a été abandonné, les associations qui s'occupaient de cours du soir, de prise en charge des gamins n'ont plus eu de moyens. Donc quelque part, on paye le coût d'une carence de notre société à la prise en charge des jeunes des quartiers populaires, parce que ce sont eux les plus exposés à ce discours du djihad. L'addiction. Aventurier, mercenaire et djihadiste en ex-Yougoslavie. Avec Pascal Madonna, Philippe Lobjoie, David Valla, Fethi Benslama, Laurent Bonelli, Fabien Carlier, Romain Huette. Merci à Katia Denard, Marie-Vonne Pellet et Sarah Maquet. Documentation d'actualité, Corinne Chauvel, Patricia Miura, Éléonore Lanoé et Christine Anzano. Recherche INA, Marine Decanse. Archives de guerre, Jean-Marie Porcher. Coordination, Perrine Kervran et Marie-Vonne Abolivier. Prise de son, Jean-Marie Porcher, Marcos Darras. Mixage, Claude Nior. Un documentaire de Pauline Mocor, réalisé par Diffy Mariani. Thank you. LSD, la série documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez raccrocher les armes, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour sentir l'adrénaline ou nous réécouter pour être enfin vacciné, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD La Série Documentaire. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Demain, dernier épisode, le retour, guerrier, nouvelle génération en Syrie. Et pour toujours plus de documentaires, allez faire un tour sur le site de Tank, notre partenaire, une plateforme qui propose par abonnement une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs et qui vient même d'inaugurer une plage réservée aux documentaires audio.